Et nous allons, pour vider une bonne fois pour toutes le sujet, lui demander quelle est ta position sur le voile. Je trouve que les journalistes nous enferment aujourd'hui dans cette question, dans cette problématique, avec une question qui est toujours pour ou contre. Il faut être pour ou contre le voile, comme on est pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre la peine de mort, ou pour ou contre je ne sais quel sujet, enfin l'euro ou l'Europe. Et en nous invitant à réfléchir, à ne pas réfléchir, je dirais, à répondre à cette question, on nous invite à ne pas réfléchir, on nous invite à ne pas rentrer dans le détail. Je ne crois pas que la question aujourd'hui soit pour le port du voile à l'école, contre le port du voile à l'école, voire pour le port d'un petit voile ou d'un grand voile, parce qu'on est allé jusque-là. La question est, que peut tolérer une démocratie ou une république ou une nation dans laquelle la séparation de l'Église et de l'État est effective depuis 1905 en termes de religion? Je crois que le véritable ennemi de la démocratie, c'est la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir dont on dit qu'il vient de Dieu. Le pouvoir des mollahs, le pouvoir des prêtres, le pouvoir des pasteurs. C'est quand même le pouvoir de certains hommes, mais qui se disent investis par Dieu. Voilà. Et je trouve que la théocratie est devenue un danger planétaire, et ça redevient un danger en France, parce que sur un certain nombre de sujets ou de questions, le pouvoir des religieux est considérable. Je pense que, par exemple, sur les questions d'euthanasie, de biotechnologie, de soins palliatifs, enfin sur les questions de bioéthique aujourd'hui, le religieux tient la corde, et le religieux judéo-chrétien. Sur cette question du voile, je pense que on tolère beaucoup trop l'islam en considérant qu'il y aurait un bon islam, un mauvais islam, qu'il y aurait un islam intégriste et puis un islam démocratique, qu'il y aurait un islam susceptible d'être républicain et puis un islam des méchants qui poserait des bombes et qui serait des terroristes avec Al-Qaïda, Ben Laden, etc. Moi je crois que intrinsèquement, c'est-à-dire dans le corps même du Coran, il y a de quoi critiquer les religions. C'est l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est la justification de la pauvreté des pauvres, de la richesse des riches, de l'exploitation, c'est la justification d'une vie pas possible sur Terre sous prétexte qu'on aura une vie extraordinaire plus tard. Je crois que toutes les religions fonctionnent sur ce principe. Elles nous fâchent avec la vie quotidienne, avec le réel, avec la vie sur Terre, sous prétexte que après la mort, il y aurait un paradis, un salut, etc. Et je trouve que le port du voile renvoie très précisément à cette question de la montée de l'islam ou de la présence de l'islam dans la République. Et je trouve qu'on tolère beaucoup trop les religions, au sens large du terme. Ça va, pour moi, ce sont les trois religions du livre, c'est-à-dire les juifs, les catholiques, les protestants, les musulmans me font exactement le même effet. Je trouve que on les voit trop, on les entend trop, ils sont trop présents, enfin ils gouvernent encore, je dirais, les esprits, les âmes et les corps. Sur cette question de la loi concernant l'autorisation ou l'interdiction du port du voile, on sait qu'elle va exister, qu'elle interdira le port du voile. Alors, il y a des conséquences à cette loi. À l'évidence, des jeunes filles viendront tester l'efficacité de cette loi. Donc elles viendront avec des voiles à l'école pour s'entendre dire « Vous n'êtes pas autorisé à rester dans cette école, donc on vous met à la porte pour pouvoir faire des martyrs. » Il s'agit de faire des martyrs, chercher les limites. Voilà. Elles pourront dire, vous avez vu l'intolérance de cette République, c'est fini les valeurs de la République, vous êtes intolérants, nous sommes tolérants, nous sommes du côté de la démocratie, nous arborons dans nos foulards les trois couleurs de la République. Enfin, bon, quand on les entend, les gamines qui défilent aujourd'hui, elles sont plus républicaines que la République, elles sont plus des filles des Lumières que si elles étaient elles-mêmes Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu mélangés. Elles viennent nous donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire, sur ce qu'il faudrait être. Elles traitent les gens qui ne supportent pas la religion d'ayatollah, ce qui est quand même assez extraordinaire. On entend même parler de fascisme dans ces cas-là, quand on ne tolère pas l'intolérable. Et je trouve que quand elles auront exercé ces limites et qu'elles montreront que finalement l'école de la République les refuse, alors elles entreront dans l'école privée. Parce que ça n'a pas été dit, mais cette loi, elle concerne l'école laïque et pas l'école privée. C'est-à-dire que toutes les écoles catholiques confessionnelles accueilleront, à l'évidence, les filles avec leur voile. Outre que ça fait quand même du bien au portefeuille de l'enseignement privé, on peut imaginer que quand elles auront fait exactement la même chose dans l'enseignement privé, c'est-à-dire quand elles seront arrivées en nombre et que l'enseignement catholique verra menacer sa catholicité, eh bien, elles contribueront à la création d'écoles coraniques, d'écoles franchement islamiques. Donc l'interdiction du voile, aujourd'hui, à l'école, c'est à terme, ce qu'il faut voir en termes de politique à long terme et pas à court terme, c'est dans 5 ou 10 ans la création d'un certain nombre de lycées musulmans, dont on sait qu'ils seront financés par l'Arabie Saoudite. À l'évidence, ce sont des écoles dans lesquelles on enseignera les programmes du bac, avec des profs qui seront eux-mêmes diplômés comme dans l'enseignement laïque, avec des inspecteurs qui viendront, qui feront des inspections, et on enseignera évidemment ce qu'on enseigne pour obtenir un bac ou les diplômes habituels. Mais en revanche, il y aura à côté et en même temps, je veux dire, des cours de lecture coranique, des cours de religion, enfin avec la possibilité de vivre sur le principe musulman, c'est-à-dire avec les fêtes religieuses, avec les pratiques alimentaires, avec les cultes, les pratiques rituelles, etc. Donc je pense que cette loi sur le voile, elle va fabriquer des ghettos, elle va générer des ghettos. Donc à l'évidence, quand on pose la question pour ou contre le voile et qu'on répond « je suis contre le port du voile », il faut demander si on est en même temps pour l'ouverture de lycées coraniques à terme, si on est pour la présence de la religion et si oui laquelle dans la société. Enfin je pense que le débat est beaucoup plus large que ce débat habituel pour ou contre. Il y a eu la semaine dernière, le week-end dernier, une manifestation à Paris contre le tout nucléaire qui a débuté au même endroit suite à un cafouillage au nom de la préfecture et au même endroit et à la même heure que la manifestation pro voile. Et c'est vrai qu'on a remarqué dans le service d'ordre qu'il y avait énormément de jeunes hommes issus des quartiers populaires ou des banlieues et qui visiblement dépassaient de façon très importante en nombre le nombre de jeunes femmes voilées. Et est-ce que ça t'amène des réflexions, cette espèce de raccourci un peu hâtif qu'il y a entre la misère des cités et des banlieues et puis le port du voile? Parce que là, on a l'impression que ça ne demande qu'à démarrer là-dessus. Oui, mais c'est un peu normal. Je dirais il faudrait faire une histoire du politique ou de la politique depuis mai 80. Je pense qu'il y a une grande responsabilité de Mitterrand dans cette affaire. À partir du moment où la gauche a cessé d'être de gauche, une gauche réformiste, enfin une gauche qui, en 80, dans l'opposition, était quand même plutôt à gauche. C'est-à-dire quand Mitterrand parlait à gauche avant le 10 mai 81, il y avait des positions sur le nucléaire, sur le féminisme, sur la réduction du temps de travail, sur l'abolition de la peine de mort, qui étaient des vraies positions de gauche. Avec un programme commun, Mitterrand est arrivé au pouvoir. Pendant un an, il a fait il a vraiment gouverné à gauche, avec suppression de la peine de mort, passage aux 39 heures, avec la cinquième semaine de congés payés, un certain nombre d'aménagements, hausse du SMIC pour les classes les plus pauvres. Et puis le tournant de la rigueur, fin 82, début 83, et pour le coup, un renoncement absolu aux idées de la gauche et un gouvernement à droite, voire plus à droite que ce qu'aurait pu être un Giscard qui aurait été obligé, par exemple, de tenir compte des mouvements de rue. Les syndicats se sont tus, les partis politiques se sont tus, et surtout, ce qui me semble être quelque chose d'extrêmement important, le Parti communiste s'est effondré. Et je trouve que le Parti communiste avait le monopole de la classe ouvrière ou des classes laborieuses qu'on disait dangereuses pendant très longtemps. Alors ça valait ce que ça valait, un communisme pro-soviétique aligné sur l'Est, ça valait ce que ça valait, mais au moins c'était organisé et ça récupérait la douleur et la souffrance des banlieues. Dans les banlieues, il y avait des immigrés peut-être, des ouvriers, des travailleurs, des chômeurs, il y avait peut-être tout ça, mais il y avait au moins un parti politique qui était censé récupérer cette négativité et puis en faire quelque chose, en faire des élections, en faire des mécontentements, en faire du militantisme, faire le grand soir, en faire, oui, des espoirs, donc des projets, faire tout ça. Mitterrand ayant voulu plumer la volaille communiste, il y est parvenu, au point qu'aujourd'hui le communisme du parti n'existe plus du tout. Exsangue, oui. Complètement exsangue. Et en même temps que le PC s'est effondré, le Front National a augmenté, avec une partie d'un électorat commun d'ailleurs, parce que la paupérisation, le fait que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, la paupérisation a galopé depuis mai 81, la gauche a célébré les valeurs de l'argent, de la richesse, de la réussite, avec Bernard Tapie comme icône, enfin bon. Et je trouve que cette espèce de désespoir de la classe ouvrière ou des gens oubliés a produit un certain nombre d'effets. Alors il y a eu la montée du Front National, il y a eu la montée de l'abstentionnisme, il y a eu aujourd'hui un investissement dans les partis d'extrême gauche, purement protestataires, LCR ou lutte ouvrière, et puis il y a effectivement une partie qui pour le coup investit dans l'islam. Ça me paraît assez clair, ce sont des gens qui sont nés de parents de couleur. Les parents eux-mêmes sont venus d'Afrique du Nord, voire les grands-parents, parfois c'était la troisième génération. Et à l'évidence, quelqu'un qui a un grand-père algérien mais qui est né à Sarcelles, c'est quelqu'un qui est français depuis toujours. Sauf que sa couleur ne le dit pas comme français. Et on a l'impression que un Italien de la troisième génération, un Polonais de la troisième génération, personne ne vient lui demander des comptes parce que sa couleur de peau ne pose pas problème. La couleur de peau du maghrébin, je dirais, elle pose problème parce que le français de souche dit au maghrébin, enfin, d'origine très ancienne, tu n'es pas français, tu es un arabe, tu n'es pas chez, t'es pas chez toi, tu es chez nous. Et quand ces enfants-là repartaient en Afrique du Nord pendant les vacances, eh bien, on se moquait de leur accent, ou de leur façon d'être, ou de leur façon de parler, et on les traite de blancs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en France quand ils sont en France, ils ne sont pas français quand ils sont en France, ils ne sont pas algériens ou marocains quand ils retournent dans le pays de leur grand-père ou de leur père. Et moyennant quoi, le premier qui passe par là et qui leur dit « mais ta patrie n'est pas la France, ta patrie n'est pas le Maroc, mais ta patrie c'est l'islam », eh bien ça marche, parce qu'on crée une identité de substitution et elle est facile, et on lui dit « d'abord tu as une grande famille, c'est une famille planétaire, l'islam c'est planétaire, il y a des musulmans partout, il faut vivre en musulman, penser en musulman, le Coran est ta vérité, c'est ta loi, et puis il y a des imams dans les banlieues qui sont autant d'occasions de réunir ces gens-là et de leur dire « eh bien voilà, on va faire du lien social, la France ne veut pas de vous, eh bien crachez sur la France, vous n'êtes pas français, vous êtes d'abord musulman ». Je dirais cette haine anti-française de Français, parce qu'ils peuvent se considérer comme n'étant pas Français, mais pour moi, un Français, c'est quelqu'un qui vit sur le territoire français, et puis voilà, l'affaire est réglée, papier, pas papier, on y est, on s'y trouve, on est Français. Je dirais, ces gens-là, ils sont une proie facile pour les imams qui considèrent qu'on peut enrôler facilement des gamins paumés. Je suis toujours marxiste sur ce sujet-là, je pense que la religion, c'est vraiment l'opium du peuple, le soupir de la créature opprimée, disait Marx. Bien, la religion, c'est vraiment l'occasion de dire à ces gens-là, on vous crée une identité. Et c'est d'autant plus excitant depuis le 11 septembre pour eux que la guerre s'est manifestée vraiment clairement. Il y a deux camps. Il y a le camp américain. On est du côté de Bush, on est du côté de l'Amérique, on est du côté de l'Occident, on est du côté de l'Europe, on est du côté de la France, on est du côté des Blancs, d'une certaine manière, ou des judéo-chrétiens. Et puis, il y a l'autre côté. On est du côté de Ben Laden, on est du côté de Saddam Hussein, on est du côté des Arabes, on est du côté de l'islam, et on est du côté du Coran. Et les choses sont extrêmement claires, au point qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'être anti-français pour un certain nombre de gamins des banlieues, c'est de se réclamer de Ben Laden, donc de se réclamer du Coran. Donc, le Coran est effectivement aujourd'hui l'occasion de prendre la place du petit livre rouge ou du manifeste du Parti communiste à une époque. Et à l'évidence, il y a des gens qui savent bien en user, qui considèrent qu'on peut mélanger l'islam et le tiers-mondisme, qu'on peut mélanger l'islam et l'extrême gauche, qu'il y a des passerelles entre l'islam et puis une radicalité politique anticapitaliste. Or, l'islam n'est pas anticapitaliste, il n'y a pas d'anticapitalisme de leur côté, il n'y a pas de haine de l'argent, il n'y a pas de haine de l'usure, enfin, on voit très bien comment ça se passe. Si les textes disent des choses, dans la pratique, ils s'arrangent très bien de gouvernements libéraux en termes de production des biens et des richesses, et il me semble que c'est un peu à quoi on assiste, effectivement, effondrement de la gauche, effondrement d'une alternative à gauche pour les gens miséreux, pour les pauvres, pour les petits, pour les sans-grades et les oubliés, et puis montée du religieux qui leur permet de retrouver un peu de dignité, un peu d'existence, surtout une existence qui permet de montrer qu'on déteste ceux qui nous ont détestés précédemment. Ouais, c'est une dichotomie. Enfin, ce qui est simpliste, c'est qu'il y a les bons, comme dans toutes les religions, il y a ceux qui sont pour, et il y a ceux qui sont du côté de l'enfer, ceux qui sont contre, il y a les blancs et les noirs. Pour l'islam ? Pour l'islam, comme pour les autres monothéismes, et surtout, c'est une nouvelle une façon qui s'étend de plus en plus de réfléchir tous les problèmes. Tu disais tout à l'heure, on est contre ou on est pour le voile. Et bien, je pense que là, on est pour, on est contre l'islam. L'islam, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette simplification antiphilosophique d'aborder les problèmes? Ben ça, c'est comme ça que les religions fonctionnent toutes. Enfin, aucune n'a de tolérance pour celui qui ne les tolère pas. Moi, je reçois des menaces de mort, par exemple, des menaces physiques sur mon courrier électronique parce que et puis des lettres aussi d'insultes, parce que je suis intervenu ici ou là pour dire que j'étais athée, que j'étais antichrétien, par exemple, au point que, comme je ne le fais que ponctuellement et de temps en temps, j'ai décidé d'en faire franchement un livre, voilà un scoop, Radio Libertaire, ça s'appellera Traité d'athéologie, et ce sera un livre entièrement consacré à démontrer l'inexistence historique de Jésus, la construction de Dieu, l'hystérie de Paul de Tarse, Saint Paul, le coup d'État de Constantin qui prend le pouvoir avec... avec vraiment des techniques du coup d'État, et puis un État chrétien par la suite, qui est vraiment le premier État totalitaire. Donc je prépare un livre là-dessus. Parenthèse fermée, pour dire qu'effectivement, aucune religion ne tolère celui qui n'est pas fidèle, enfin l'infidèle, comme on le dit. Donc aujourd'hui, pour le christianisme, ça va encore à peu près. Je veux dire, il n'y a plus le bûcher, il n'y a plus l'inquisition, il n'y a plus, les expéditions punitives comme pendant des siècles. Mais aujourd'hui, avec l'islam, ça marche encore. C'est-à-dire, le Coran dit très précisément que quiconque n'est pas musulman n'est pas un homme. C'est très exactement la logique nazie. C'est-à-dire, on a des hommes et des sous-hommes. Donc on ne fait rien de coupable quand on supprime des sous-hommes, quand on a réussi à faire la démonstration, entre guillemets, tout ça, entendons-nous bien, mais que les juifs n'étaient pas des humains, que c'était des Untermenschen, des sous-hommes, et qu'il y avait des Übermenschen, qu'il y avait des surhommes nazis. Alors à l'évidence, un surhomme n'a pas demandé l'autorisation de supprimer un sous-homme. On ne demande pas l'autorisation de supprimer un rat. On supprime un rat, puis voilà, quoi. Donc on supprime un juif parce qu'un juif est un sous-homme. Toutes les idéologies qui consistent à dire il y a le surhomme et le sous-homme, d'une certaine manière, il y a celui qui est dans la vérité, le croyant, et puis celui qui est dans l'erreur, l'infidèle. Pour le chrétien, c'était l'athée, pour le musulman, aujourd'hui, c'est l'infidèle. Eh bien, quand on supprime l'infidèle, on ne supprime pas un homme. Ce n'est pas un homme qu'on supprime, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand dans le corps du texte, on dit ces choses-là, il y a un grand danger, à l'évidence, de considérer que supprimer quelqu'un qui n'est pas musulman, eh bien, ce n'est pas un problème. Donc, on est très loin des valeurs de la République, du genre, l'égalité, le respect de la vie, etc. Enfin, un certain nombre de valeurs qui, on peut les critiquer, on peut ne pas les apprécier totalement ou complètement, mais enfin font quand même du lien social et font qu'on peut vivre ensemble. Le jour où des individus considèrent qu'on peut supprimer quelqu'un qui ne pense pas comme nous, alors à l'évidence, ça devient problématique. Qui plus est quand ces gens la sottisent de croire que le paradis existe et qu'il suffit de mourir pour la cause pour accéder immédiatement dans le quart d'heure qui suit dans un paradis où on aura des houris aux grands yeux qui nous tripoteront, nous masseront et nous feront l'amour pendant l'éternité. On pourra manger du porc, boire du vin, etc. La conception du paradis qu'ont les musulmans, à savoir, qu'avaient les chrétiens une époque d'ailleurs, hein, à savoir mourir pour la cause et vous irez tout de suite au paradis, fait qu'on a aujourd'hui des kamikazes, donc des gens qui sont prêts à faire sauter leur ceinture d'explosifs dans un supermarché, dans un car, dans la rue, pour faire avancer leur cause. En prenant le risque, c'est même pas en prenant le risque, c'est-à-dire en tuant des femmes, des enfants, des gens qui passent, des gens qui sont là et qui peut-être parfois sont sympathisants de leur cause ou sont sympathisants sont compatissants à leur douleur ou à leur souffrance. Donc effectivement, il faut désormais compter avec ce que la théocratie produit comme type d'effet, c'est-à-dire des gens qui ne respectent pas autrui s'il n'est pas croyant, des gens qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils pensent qu'au-delà de la mort, il y a le paradis et que le paradis, évidemment, ça les attend parce que ça attend quiconque meurt pour la cause. Et donc, si vous mourrez pour le djihad, si vous tuez quelqu'un, si vous mourrez pour le Coran, eh bien, c'est le ticket d'entrée direct au paradis. À l'évidence, il faut compter avec ça, et ça sort quand même des catégories de l'Occident rationnel, c'est-à-dire de la pensée classique rationnelle. On est là dans l'irrationnel à l'état pur. Sans compter que, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les autres monothéismes redressent la tête. Enfin, oui. Pas les monothéismes, mais les gens qui les servent ou qui ont des intérêts, le pape, les intégristes juifs en Israël, etc. Oui, parce qu'ils défendent exactement la même marchandise, ils vendent les mêmes tapis. Hein. Je trouve que le christianisme fait exactement la même chose. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Féeries anatomiques » sur la question de la bioéthique, où j'essaie de montrer que toute la bioéthique actuellement est verrouillée par le lobby judéo-chrétien, catholique très précisément, même plus particulièrement. C'est-à-dire sur des questions d'euthanasie, sur les questions de contraception, d'avortement, sur les questions de génie génétique, de congélation des embryons, travail sur les embryons, clonage, clonage thérapeutique, clonage reproductif, tout ça est aujourd'hui marqué par l'option chrétienne. C'est-à-dire quand on fait des comités d'éthique aujourd'hui, on va chercher un imam, un pasteur, un rabbin, un type qui est au Grand Orient de France, et puis l'athée de service qui finalement est une espèce de chrétien qui s'ignore et qui défend très exactement les valeurs chrétiennes. Et on demande à tous ces gens-là prétendument de réfléchir dans un comité d'éthique, et la plupart du temps ils nous pondent des rapports dans lesquels ils nous disent qu'il est urgent d'attendre, qu'il faut faire très attention et qu'il y a un danger, et qu'il faut ralentir, il faut des moratoires, il faut une interdiction. Et on a aujourd'hui Mattei, grand catholique par devant Dieu, pratiquant, ministre de la Santé, qui vient de criminaliser, comme criminaliser le travail sur l'embryon, et qui considère qu'il en va du crime contre l'humanité quand on travaille aujourd'hui sur la question du clonage reproductif. Je rêve. Si aujourd'hui on ne travaille pas sur le clonage, à l'évidence d'autres le feront sur la planète, et on ne peut pas envisager une médecine postmoderne sans clonage. Clonage d'un certain nombre de cellules souches qui sont l'occasion de régénérer des cellules cancéreuses, par exemple. À mon avis, c'est la médecine de demain et d'après-demain. Eh bien, le christianisme empêche de travailler sur ces questions-là. On ne le sait pas, mais quand nous piétinons pendant que d'autres avancent sur ce sujet, je ne parle même pas des brevets qu'on va se voir passer sous le nez ou de la recherche qui ne se fera pas sur ce terrain-là, tout ça s'est rendu impossible, je dirais, la recherche et le travail, parce que le christianisme est là, présent, derrière, avec des interdictions. Quand la pilule du lendemain, la fameuse rue, a été mise au point, elle a été interdite de commercialisation parce que l'Église, le lobby catholique, a fait ce qu'il fallait pour qu'elle n'existe pas. L'idée que des gamines puissent avoir un rapport sexuel non protégé le soir et le lendemain utiliser une pilule parce que elle n'avait pas prévu un préservatif ou elle ne prenait pas de contraception, quand je dis une gamine, c'est même une adulte, on peut avoir une vie à peu près tranquille, ne pas avoir trop de sexualité, voire pas de sexualité du tout, ne pas avoir une contraception habituelle, puis se retrouver un soir à avoir un rapport sexuel qui fait que le lendemain ou sur le lendemain, on a envie d'utiliser une pilule qui est dite abortive. D'ailleurs, c'est assez effrayant, une pilule abortive, on s'est fait faire avorter, mais qu'est-ce que ça veut dire quand le spermatozoïde et l'ovule se sont rencontrés 48 heures plus tard, qu'est-ce que ça signifie? L'interdiction du RU, l'interdiction par exemple de l'euthanasie, quand Raffarin, lui aussi grand pratiquant, lui aussi catholique comme Chirac, qui se fait photographier et filmer à la sortie de Bormes-les-Mimosins, on est tout de même depuis 1905 dans une république où la séparation de l'Église et l'État devrait être effective, quand Raffarin dit que l'euthanasie est une question sur laquelle on ne peut pas légiférer, que c'est pas possible, je rêve aussi. Pour l'instant, le code civil et le code pénal légifèrent sur l'euthanasie puisqu'ils l'interdisent. Donc on peut très bien autoriser l'euthanasie. Il y a une espèce d'option idéologique parce que l'Église est contre l'euthanasie, elle est pour les soins palliatifs. La charte des personnels des soins le dit explicitement. La position de l'Église est officielle sur ce sujet. Eh bien, l'État français, comme par hasard, par la voix de Raffarin, considère qu'il faut 15 000 morts avec la canicule, c'est pas bien grave, parce que le christianisme n'a jamais vraiment aimé trop son prochain de manière générale. Et puis, en revanche, il faut faire de telle sorte qu'un médecin ne puisse pas accéder à la demande d'un garçon tétraplégique qui a envie lui-même d'en finir avec son existence. Et le jour où ce médecin fait le geste humain, je dirais, qui consiste à débrancher quelqu'un qui est en fin d'existence, et bien, il est poursuivi par la justice et il risque la prison à vie. Je voudrais rappeler cette phrase de Kafka qui, sur son lit de mort, disait à son médecin, si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin. Et je crois que l'euthanasie, c'est très exactement ça. C'est-à-dire, il y a un moment où quand on ne supprime pas la vie de celui qui nous demande de la supprimer, on est un assassin. Donc on n'est pas un assassin quand on accède à la demande de quelqu'un qui veut en finir, mais on est un assassin quand on le laisse souffrir, comme le christianisme pense qu'il faut souffrir, parce que la souffrance, elle est l'occasion de la rédemption. Donc, à l'évidence, le christianisme est très présent dans la société française, pas forcément là où on le croit, sur les terrains de bioéthique, par exemple. J'ai essayé de donner deux ou trois points qui tâchent d'en faire la démonstration, mais sur un certain nombre de points, sur la pratique, sur le rapport à sa sexualité, le rapport à son propre corps. Enfin, chacun ignore que l'idée qu'il se fait de son corps est une idée chrétienne. Pas rentrer dans le détail, mais je crois que la publicité, les magazines qui nous fabriquent un corps complètement idéal et platonicien, absolument impossible à obtenir. Le corps platonicien, c'est le corps idéal, idéalisé, c'est le corps qu'on n'aura jamais. C'est un corps qui fait souffrir, parce que les femmes ont envie de ressembler à ce corps-là, elles n'y ressembleront jamais. Ou alors, quelques années, entre 13 et 14 ans, quand on les aura bien maquillées comme des femmes d'une vingtaine d'années, et ce corps-là, eh bien, il va générer des souffrances, parce qu'on dira, ne mangez pas, ne fumez pas, ne buvez pas. Quand vous mangerez, ne mangez pas grand-chose, pas de graisse, pas de ceci, pas de beurre, pas de féculents. Mangez une feuille de salade avec un filet de citron, et puis buvez de l'eau, faites du sport, faites-vous souffrir, courez, etc. Là encore, cette espèce de civilisation hygiéniste, elle est une civilisation produite par le judéo-christianisme. On vous invite à ne pas fumer, à ne pas conduire trop vite, à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas manger de graisse, à faire attention. Alors un jour, on vous dit attention, le saumon est cancérigène. Après ça, on vous dit attention, dans tel aliment, il y a du danger. Là encore, je dirais, dans les options diététiques et hygiénistes de notre société, il y a un modèle judéo-chrétien qui imprègne le quotidien. Et on a beau ne pas être chrétien ou être franchement athée, on est souvent conditionné par ce modèle-là, et on n'a pas trop le choix d'échapper à ça. Donc, à l'évidence, le judéo-christianisme n'est pas mort. Ce n'est pas parce que les églises sont vides, parce que les monastères sont vides, encore que les monastères, ça se maintient à peu près, que les pratiques religieuses ont disparu, que les prêtres sont de moins en moins nombreux, que le christianisme disparaît. Je crois que l'institution religieuse a de moins en moins de fidèles, mais la pratique religieuse est de plus en plus importante et l'imprégnation judéo-chrétienne est généralisée dans notre civilisation. On le voit très précisément avec la droite au pouvoir. Il me semble que la gauche au pouvoir, ce n'était pas extraordinaire, Jospin, mais avec, par exemple, les 35 heures, le Pax, enfin, à l'origine, je dirais, hein, pas ce que c'est devenu, c'est-à-dire les 35 heures, au départ, c'était vraiment une réforme qui considérait que le travail n'était pas une valeur, contrairement à ce que la droite pense et le christianisme aussi, et que les loisirs, c'était bien, et que moins travailler, c'était pas mal, c'était pas une mauvaise idée de moins travailler, si on produisait différemment. Ça, c'était une réforme vraiment, dans le fond, post-chrétienne. Quand tu dis post-chrétienne, tu veux dire qui efface toute l'influence chrétienne. Voilà, enfin, c'est une réforme qui se fait après le christianisme, indépendamment du christianisme, ou dans cette période à laquelle j'aspire, qui est post-chrétienne, c'est-à-dire d'après le christianisme, une période athée, quoi. Disons-le autrement, effectivement, c'était une réforme athée, une réforme non-chrétienne, ou voire une réforme anti-chrétienne. La preuve, le MEDEF n'a pas aimé, la droite n'a pas aimé, et une partie de tous ceux qui critiquent les 35 heures... Les boujadistes n'ont pas aimé. Oui. Et ceci dit, la droite a réussi à faire des 35 heures une catastrophe. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une excellente idée, ça a été tellement amendé, bricolé, trituré, la droite a tellement salopé ça sur le terrain, qu'effectivement, c'est devenu problématique, même pour les ouvriers qui parfois ont moins travaillé, mais moins gagné, on se sont retrouvés avec des salaires amputés, avec des difficultés de vie quotidienne. Mais enfin, voilà un exemple. Un deuxième exemple était le Pax. L'idée que les homosexuels pouvaient se marier, moi je pense qu'on peut faire mieux que se marier quand on est homosexuel, que le mariage n'est pas une panacée, mais bon, chacun son truc. L'idée qu'on puisse se marier parce qu'on aime quelqu'un et qu'on a envie de transmettre un héritage, un patrimoine, je sais pas quoi, une bibliothèque, une maison, une voiture, un compte en banque, ben, tout ça est très bien si les gens ont envie de faire ça, mais je trouve effectivement que, ou on ne fait pas de discrimination sexuelle, ce que je pense, après tout la sexualité des gens, pourvu qu'elle soit consentante, est une sexualité que je tolère absolument et intégralement. On fait ce qu'on veut quand on veut, quand on a avec soi un partenaire qui est partant, donc type qui veut se faire bouffer le cannibale par exemple en Allemagne, je me dis après tout, un type dit je voudrais manger quelqu'un, un type dit je voudrais être mangé par quelqu'un, c'est leur sexualité, ils ont envie de se faire souffrir, l'un jouit de faire souffrir l'autre, je trouve pas ça gênant du tout. En revanche, je trouve gênant qu'on puisse infliger à quelqu'un qui n'aura pas choisi une sexualité qui n'est pas la sienne. Donc pourquoi je suis contre la pédophilie, voilà pourquoi je suis contre le viol, voilà pourquoi je suis contre, dans le mariage, des sexualités non consenties. Mais parenthèse fermée, le Pax était l'occasion de dire... Puisqu'il n'y a pas de discrimination sexuelle défendable, eh bien, ce qui est autorisé pour des couples hétérosexuels doit être autorisé pour des couples homosexuels. Les couples homosexuels veulent se marier, qu'ils se marient. Les couples hétéros veulent adopter des enfants pour pouvoir les éduquer, eh bien, que les couples homosexuels puissent le faire aussi. L'idée qu'il faudrait une mère, qu'il faudrait un père, qu'il faudrait... Les gens sont quand même assez délirants sur ce terrain-là, alors que, je crois, la moitié des couples sont défaits, sont reconstitués avec des familles complètement explosé, des gens qui vivent tout seuls, avec des femmes qui font des enfants. L'idée de renvoyer aujourd'hui à un modèle homme-femme qui s'aimerait, etc., c'est du délire. Moi, ça n'existe que dans la pub. Hein. Ça, voilà. Alors que les homosexuels peuvent très bien gérer une éducation, donc adopter des enfants, et je ne vois pas qu'il y ait eu problème sur ce terrain-là. Sauf que le Pax est devenu ce qu'on sait. D'abord parce que Christine Boudin est descendue dans la rue avec la droite en disant les PD au bûcher, et ce Pax est devenu une espèce de contrat absolument fadasse qui ne permet plus grand chose. Enfin, ça, c'est, d'un point de vue juridique, c'est rien du tout. Je veux dire, moi, je voulais me paxer avec ma compagne. On a regardé à quoi ça ressemblait. Finalement, ça ne présente aucun intérêt. Enfin, c'est pas intéressant du tout. C'est pas une alternative au mariage. C'est une espèce de sous-mariage. Donc, très voilà, proche de l'attestation de concubinage. Bon, voilà, c'est essentiellement ça. Donc, je dirais, voilà deux exemples qui montraient que la réduction du temps de travail, la confiance faite au loisir plutôt qu'au travail, et puis la possibilité d'ouvrir le couple à autre chose qu'au couple hétérosexuel, voilà deux idées qui, à mon avis, allaient au-delà du christianisme, comme on a déjà eu une idée qui allait au-delà du christianisme et qui était l'avortement. L'avortement, c'est le seul moment dans le code civil aujourd'hui qui est anti-chrétien, enfin qui est post-chrétien, c'est-à-dire c'était Giscard, c'est pas la gauche. Hein. L'idée qu'on puisse dire voilà l'avortement est défendable alors que l'Église ne le défend pas, voilà une loi qui ne plaisait pas au christianisme. Le reste, le christianisme peut être content parce que toutes les autres, finalement, elles sont judéo-chrétiennes. Donc, je pense qu'on pourrait aller aujourd'hui du côté du post-christianisme en allant voir comment, sur les terrains de génie génétique ou autres, on peut aujourd'hui s'affranchir des tutelles judéo-chrétiennes et des tutelles religieuses. Frédéric, j'ai l'impression en t'écoutant que cette réforme post-chrétienne que tu appelles de tes vœux, elle est basée sur un certain nombre de valeurs qui sont relativement proches de celles de mai 68. Ah oui. Alors est-ce que mai 68 ça a été une occasion ratée ou est-ce que c'était le début de quelque chose et qu'il faut... Moi je pense qu'il faut achever mai 68. Alors la droite pense qu'il faut l'achever comme une bête malade. Moi je pense qu'il faut achever dans le genre parachevé. C'est-à-dire que je défends absolument mai 68 et c'est parce que je défends mai 68 que je peux être critique sur mai 68. Ceux qui attaquent mai 68 et qui sont critiques ne sont pas audibles ou défendables. Je songe à Alain Renaud, à Luc Ferry, enfin à un certain nombre d'autres individus qui crachent sur mai 68, Raffarin, le gouvernement qui considère que la chienlit vient de là. Hein. Moi je considère qu'il y a eu des moments de déchristianisation dans l'histoire. 1792, à l'évidence, la Commune, 1871, et puis mai 68. Et que ça a été à chaque fois des occasions de manifester un grand principe. Je pense que mai 68 a été une occasion libertaire, et que la fraternité s'est manifestée avec la Commune, et que l'égalité s'est manifestée avec 1789. Donc il y a eu trois grands moments qui ont été trois occasions de fabriquer du post-chrétien, en disant « allons de l'autre côté ». Mai 68 a été une réussite pour moi, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas parce que Serge Joly, qui était maoïste et qui voulait pendre le dernier patron avec la tribe du dernier curé, est devenu le directeur de Libération que c'est un ratage, ou que Cohn-Bendit est devenu une espèce de libéral très ami de Madeleine, et qui défend la privatisation des postes en Europe, que Jesmar est devenu inspecteur général, c'est-à-dire le flic des flics dans l'éducation nationale. Ça n'est pas parce que tout ça a eu lieu et que les anciens gauchistes sont tous recyclés aujourd'hui dans le système que ça a été un échec. Je crois que l'échec, il n'est pas là. Jouando disait, en voyant passer les manifestants sous sa fenêtre, « Dans 10 ans, vous serez tous notaires ». Il avait raison, ils sont tous devenus notaires, et parfois plus vite que ça. Mais mai 68 a quand même été une révolution réussie, parce que ça a été une révolution libertaire, parce que les hommes et les femmes se sont parlé autrement après, parce que les patrons et les ouvriers se sont parlé autrement, parce que les profs et les élèves se sont parlé autrement, parce que les supérieurs et les inférieurs hiérarchiques ont entretenu de nouvelles relations. Et ça, on ne revient plus là-dessus. C'est fini, on ne reviendra plus jamais là-dessus, et même les ennemis de mai 68 sont des gens qui ont intégré cette idée qu'effectivement, un gamin pouvait dire à son père qu'il avait tort, qu'il n'était pas d'accord, etc. Alors qu'à une époque, l'autorité paternelle, c'était intangible. L'autorité patronale, c'était intangible. Moi, j'ai vécu ça dans mon petit village, il y avait une fromagerie, l'idée que les ouvriers aient pu refuser de travailler, le patron a considéré que c'était le meurtre du père, qu'on ne pouvait pas lui faire ça. Oui, mais ça c'est fait, et puis tant mieux. Je crois simplement que la destruction d'un certain nombre de valeurs consubstantielles à mai 68, enfin la destruction qui est consubstantielle, c'était très bien. Donc l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, la tyrannie, la dictature, le principe de droit divin pour le patron, enfin toutes ces choses-là ont disparu, et c'est parfait. En revanche, ce qui nous a manqué, ce sont des valeurs de substitution. Et l'idée qu'on puisse dire, dans une école, fini l'espèce de dictature infligée par l'instituteur sur les élèves, la dictature des savoirs, etc. Alors, très bien. Simplement, quand on a considéré qu'il suffisait de tremper ses mains dans les pots de peinture pour être Picasso soi-même, parce qu'il fallait générer la créativité de l'enfant sans passer par l'apprentissage du dessin, par exemple, ça, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée, par exemple, de considérer que l'histoire, les dates, c'était pas très important, et que la chronologie, il fallait oublier tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gamins sans mémoire, sans technique pour dessiner, qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas penser, et on a fabriqué une espèce de nihilisme qui est assez dangereux. Moi, je trouve que à gauche, on pouvait continuer à lire, à écrire, à apprendre à lire, à écrire et à compter. Et que ça ne s'est pas fait. Et que sous prétexte de réforme pédagogique ou sous prétexte de pratiques un peu alternatives, on a pataugé un petit peu et qu'on n'a pas fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc je trouve que L'homme qui avait les pleins pouvoirs sur sa femme et qui lui faisait des enfants assez régulièrement parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception, qui pouvait tromper sa femme et qui ne supportait pas que sa femme puisse regarder un homme dans la rue, ça c'est fini, c'est très bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit mieux aujourd'hui d'avoir accumulé 4 ou 5 pères de substitution, 4 ou 5 mères de substitution dans une famille où on aura 3 enfants de 3 lits différents avec des gardes alternées, une espèce de violence généralisée, des pères qui ont les enfants une fois toutes les 3 semaines et qui peuvent ne pas les éduquer mais les emmener au McDo, au cinéma, à la piscine et ne pas être une figure de père, une figure de loi, d'autorité ou de construction mentale possible. Je trouve que l'espèce de nihilisme qui a suivi mai 68 n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux et qu'aujourd'hui, il serait bon qu'on puisse refabriquer des valeurs et que les valeurs, elles ne sont pas forcément des valeurs réactionnaires au sens étymologique, c'est-à-dire des valeurs qu'il faudra aller rechercher dans le passé. Je ne crois pas que ce soit nécessaire de refaire de l'autorité, de refaire de l'ordre, mais il faut refaire du sens. Et refaire du sens, à mon avis, ça suppose une éthique que j'appelle post-chrétienne, c'est-à-dire des valeurs post-chrétiennes. Moi, je fais des livres pour essayer de montrer, par exemple, théorie du corps amoureux, comment on peut, dans la relation sexuée, ou dans la relation sexuelle, ou dans la relation avec l'autre sexe, fabriquer un contrat qui est un contrat libertaire. Et ce contrat libertaire ne demande pas qu'on revienne aux vieilles histoires de couple d'antan, hein, mais qu'on puisse respecter la liberté de l'autre, respecter l'autonomie, l'indépendance, construire des relations d'adultes. Enfin, je crois que mai 68 est à parachever, et puis ça m'excite plutôt. Moi, je trouve que c'est même plutôt un challenge intéressant. Même si on n'en prend pas vraiment la direction pour l'instant, quoi, parce que quand tu parles de l'autorité, etc., curieusement, on assiste à un retour du religieux et en même temps à des valeurs type travail, autorité, choses très, très près 68. Oui, mais parce que effectivement, les gens qui sont au pouvoir actuellement ont la haine de mai 68. Que ça, c'est ce qui caractérise la droite au pouvoir, mais la droite depuis toujours. Elle n'a pas à digérer ça. Elle n'a pas digéré non plus 1789. Hein, ceci dit, les privilèges, ça l'excite tout le temps. Et puis, elle n'a pas digéré non plus la Commune. Enfin, elle ne digère jamais, ni même le Front populaire. Enfin, je crois qu'elle n'a jamais digéré les avancées de la gauche. Et elle a toujours fait payer, un jour ou l'autre, les avancées. Là, on est dans une période de punition. C'est-à-dire, vous avez, ce salaud de maître de Seyer, mais ne soyons pas insultants, mais quand ce Seyer dit « il faut siffler la fin de la récréation », quel mépris, parce que les ouvriers auront eu quelques heures de moins dans leur semaine de travail, on considère qu'on était en récréation. Les gens n'aiment plus le travail, ce sont des feignants, ils veulent gagner de l'argent, ils ne veulent pas travailler, ce sont des assistés. Enfin, ce discours est méprisant, c'est méprisant. Et je trouve effectivement que Raffarin le reprend, parce que les grandes idées de Raffarin sont les idées du MEDEF. Hein. Vous vous êtes bien amusé, eh bien c'est fini. Maintenant, vous allez travailler plus longtemps. La retraite à 60 ans que Mitterrand avait fait voter dans l'époque où il était, la petite époque où il a été de gauche, je dirais, c'est terminé la retraite à 60 ans, c'est terminé la semaine de 35 heures, c'est terminé le travail avec une sécurité. Maintenant, vous serez dans des contrats à durée déterminée, ce qui fait qu'on pourra, vous serez taillable et corvéable à merci, on fera de vous ce qu'on veut. Je crois effectivement qu'on n'en prend pas le chemin parce que la droite est au pouvoir. Ceci dit, on n'en prend pas le chemin non plus parce que la gauche qui est dans l'opposition ne se structure pas là-dessus non plus. Et qu'il y a un silence de la gauche sur ces questions qui est assourdissant. La gauche referait un programme vraiment de gauche susceptible de mobiliser les altermondialistes, les gens qui votent à l'extrême gauche, les déçus de la politique. Il y aurait la possibilité de revenir à une politique digne de ce nom, si on retravaillait justement sur ces questions post-chrétiennes, sur la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est-à-dire sur la question du rapport au travail. Pourquoi Dominique Méda écrit-elle un livre qui s'appelle « La fin du travail » et pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de ça? Pourquoi est-ce qu'André Gortz écrit aussi sur ce sujet? Il y a des intellectuels qui écrivent sur cette question de la diminution du temps de travail, et considérable. Il ne s'agit pas de passer de 40 à 39 heures, ou de 39 à 35, mais de considérer qu'on peut vraiment travailler beaucoup moins. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas crédible sur ce terrain-là? Pourquoi est-ce que la gauche n'écoute pas ces propositions-là? Pourquoi est-ce que la gauche n'a pas de propositions sur la bioéthique qui seraient des propositions de bioéthique libertaire? Pourquoi, etc., etc. Enfin, à mon avis, il y a des idées à gauche, il y a des idées qui permettraient de parachever mai 68, et elles ne sont pas prises en charge, prises en compte par la gauche de gouvernement, qui est globalement une gauche libérale. La gauche qui veut revenir au pouvoir, elle n'a pas trop intérêt à défendre des idées, parce que quand elle défend des idées, ce sont les mêmes que celles de Raffarin. On voit bien que Jospin, quand il était au pouvoir, avait le désir de faire les réformes que Raffarin a pu faire sur la retraite, par exemple, ou sur un certain nombre de chantiers que Raffarin a mis en œuvre ensuite, parce qu'il savait bien que ce ne serait pas public et populaire pour son élection à la présidentielle. Donc il n'a pas fait le travail que Raffarin a fait, mais qu'il aurait fait exactement de la même manière s'il avait été élu. Donc la gestion libérale du pouvoir, que ce soit des libéraux de droite ou des libéraux de gauche, c'est la même gestion. Donc il y a des gestions antilibérales, qui à mon avis ne sont pas des gestions anticapitalistes, parce que le capitalisme n'est pas le libéralisme, c'est pas la même chose, et qui mériterait aujourd'hui qu'on s'y arrête. Je crois que la formulation d'idées post-chrétiennes, ou de valeurs post-chrétiennes, ou d'une gauche post-chrétienne, ça reste d'actualité. Dans la politique du rebelle, tu dis une phrase que j'ai bien retenue, c'est « Il faut se méfier des ruses du capitalisme libéral. Une de ces grosses ruses, c'est de dire que les choses sont inéluctables, qu'elles sont incontournables. Le travail plus longtemps avant la retraite, la diminution des services rendus par la sécurité sociale, etc. etc. » Est-ce que tu peux approfondir cette idée, idée perverse d'une fausse inéluctabilité? Oui, j'avais fait un chapitre sur l'économie, enfin j'avais même parlé de l'économisme en disant que c'était une religion. Et comme un certain nombre de religions, on nous demande toujours d'être... On a le droit d'être athée, mais il faudrait être docteur en théologie pour pouvoir être athée. Donc en économie, c'est pareil, on aurait le droit d'être contre le libéralisme, mais il faudrait avoir un diplôme de Harvard ou avoir un bac plus 8 en économie. Et je dis, mais attendez, d'abord, ça n'est pas une science exacte. C'est tellement peu une science exacte que c'est même pas une science, l'économie. Et la politique s'est trouvée diluée dans l'économie aujourd'hui. Et on nous dit, mais attendez... C'est pas possible économiquement. Il y a ceci, il y a cela. À l'évidence, quand on reste dans un système, l'alternative à ce système n'est pas pensable. Donc c'est une espèce de paradoxe que nous proposent les libéraux qui nous disent le libéralisme est l'horizon indépassable. Si on considère qu'il est indépassable, alors à l'évidence, il ne sera jamais dépassé. Si en revanche on considère qu'il est dépassable et qu'on peut le dépasser avec un certain nombre de pratiques, de techniques, et là j'en appelle pour le coup à un travail en commun avec les économistes, parce que je ne le suis pas, mais je dis simplement qu'il y a des possibilités aujourd'hui, d'abord en distinguant capitalisme et libéralisme. Je crois qu'il y a une grande erreur à croire que c'est la même chose. Quand je vois les altermondialistes qui veulent en finir avec le capitalisme, d'accord, mais pour faire quoi? Quel mode de production peut-on mettre en place qui serait vraiment alternatif au capitalisme? Donc le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Le libéralisme, c'est la possibilité dans le capitalisme de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Moi, je suis un antilibéral absolu. C'est la liberté du renard dans le poulailler libre. Voilà, c'est ça, absolument. Oui. En revanche, je dis, mais moi, je ne suis pas anticapitaliste, parce que le capitalisme, c'est la possibilité de créer des richesses avec des gens qui possèdent, qui investissent. Je ne vois pas d'alternative à ça. Ou alors qu'on me le dise. Et s'il y a quelque chose de franchement alternatif, je veux bien être preneur. Comment est-ce qu'on fait quand on veut en finir avec le capitalisme? On va abolir le capital, comme ça? On fait une loi en disant, le capital est aboli, le capitalisme est aboli? Non, le capitalisme, il n'est pas né un jour. Il est consubstantiel aux échanges. C'est comme ça depuis le début. Donc, là, pour le coup, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on appelle le capitalisme. Parce que le type qui commence à trouver des cailloux, des coquillages, qui sont les plus beaux coquillages de la plage, et qui, parce qu'il aura les plus beaux coquillages, sait qu'il aura une valeur d'usage, une valeur d'échange, et que celui qui en aura le plus grand nombre aura la puissance, celui qui aura les plus beaux aura la puissance, eh bien, on est déjà dans une logique capitaliste. Donc il y a un capitalisme industriel, le nôtre, mais le capitalisme, c'est le mode d'échange qui existe depuis l'origine. Le troc, c'est la même chose. J'ai quelque chose, tu as quelque chose, je trouve l'équivalent à ce que tu me donnes dans ce que je te donne, et tu me donnes une pièce de lin, et moi je te donne 3 muits de blé, par exemple. Hein. Bon, ben voilà, ça c'est aussi du capitalisme. J'échange, je produis, parce que c'est moi qui ai fabriqué, parce que, bon. Si on me dit aujourd'hui, on peut changer le capitalisme, on peut supprimer le capitalisme, alors je suis preneur. Moi, je pense que le capitalisme a eu des modalités d'existence, et que, par exemple, même à l'époque soviétique, ce qui passait pour du socialisme, c'était un capitalisme socialiste. Et que c'était une des modalités du capitalisme, comme il y a eu des modalités primitives du capitalisme, ce dont je parlais tout à l'heure, les échanges de coquillages, etc. Il y a aujourd'hui une modalité libérale du capitalisme. Je suis contre cette modalité libérale du capitalisme. Faisons quelque chose qui va paraître un peu extravagant, mais un capitalisme libertaire. Et si une modalité est possible au capitalisme et que cette modalité est libertaire, définissons-le. Alors c'est pas seulement ce qu'on appelle un oxymore en rhétorique, c'est-à-dire deux termes qui s'opposent absolument. On dit capitalisme, libertaire, c'est pas possible. Moi je pense que c'est tout à fait possible, dans la mesure où on considère, dans un capitalisme libertaire par exemple, que la répartition des richesses et des biens est soumise à un principe d'égalité. Un principe libertaire, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui ont besoin, on redistribue, on fait des caisses, on a une fiscalité qui permet d'aller vers les plus pauvres, vers les plus modestes, vers les plus démunis, etc. À l'évidence, c'est à repenser. C'est une piste que je donne et qu'il faudrait repenser avec des économistes qui seraient capables de montrer comment on peut, avec un système de taxes, de fiscalité, de barrières douanières, de gestion communale, communaliste, d'autogestion, de mutualité proudhonienne, par exemple, comment on peut gérer le capitalisme de manière libertaire. Le capitalisme libéral n'est pas l'horizon indépassable de notre époque. Ce qui est indépassable, me semble-t-il, c'est le capitalisme. Ce qui, en revanche, est dépassable, c'est la modalité que le capitalisme prend dans les périodes qui sont les siennes. Alors, il y a eu un capitalisme féodal, il y a eu un capitalisme tribal et primitif, il y a un capitalisme industriel, il y a un capitalisme post-industriel, il y a des capitalismes ruraux dans la Chine d'aujourd'hui, par exemple. Je crois qu'on peut très bien envisager des capitalismes libertaires. Il me semble que par exemple, les syndicats de consommateurs pourraient très bien aujourd'hui fonctionner avec des appels au boycott sur un certain nombre de produits, ou en considérant qu'on peut aller plus particulièrement vers des produits qui auront été estampillés parce qu'ils auront été produits dans des conditions qui seront des conditions plus défendables. Travail d'adultes et pas d'enfants, travail d'adultes qui seront protégés socialement et non pas de gens qu'on aura exploités dans une filière asiatique ou nord-africaine, etc. Enfin, l'économie équitable, toutes ces choses-là me semblent être tout à fait défendables. On peut tout à fait aujourd'hui considérer que ça pourrait faire partie d'un capitalisme libertaire, d'une gestion libertaire du capitalisme. Dieu, notamment de l'islam et de l'islam des banlieues, si on peut l'appeler comme ça. J'ai l'impression que Place Beauvau, il y a des gens que ça arrange aussi, parce que c'est un islam dont on a dit clairement qu'il allait être instrumentalisé, avec des imams français formés. Ben, ça arrange plutôt ce qui se passe avec l'islam en France aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, les chiffres de la manifestation des pro-foulards a été vraisemblablement gonflé par la police, parce qu'ils ont intérêt. Alors ils jouent un double jeu, le ministère de l'Intérieur, avec cette affaire, parce que ils donnent l'impression qu'effectivement l'islam est plus important qu'on ne veut bien le dire, enfin cet islam intégriste, mais en faisant ça, ils font voter Le Pen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en voulant l'instrumentaliser de cette manière-là, ça renvoie un certain nombre de Français moyens qui sont devant leur télévision et qui voient des musulmans haineux à l'endroit de la France, des gamines avec des foulards bleu, blanc, rouge qui donnent des leçons de francité, je dirais, aux Français de souche, on dira, depuis des années. Donc il y a une espèce d'énervement. Et moi, je prends date avec les prochaines régionales. On verra le chiffre de Le Pen. Les gens ont oublié que Le Pen avait été au deuxième tour des présidentielles. Le Pen, il attend. Il se contente d'attendre. Il dit, vous avez vu, moi, depuis le début, je vous le dis. Vous ne m'avez pas cru, vous m'avez traité de fasciste, vous m'avez traité de nazi. Aujourd'hui, c'est vous qui en arrivez à dire, eh ben effectivement, il y a quand même beaucoup de musulmans, il y a quand même beaucoup de gens voilés, ça fait quand même un problème. C'est problématique. Alors, quand Place Beauvau, on instrumentalise tout ça, qu'est-ce qu'on a comme intérêt? On a intérêt à casser l'islam en deux, à considérer qu'il y aurait un mauvais islam intégriste et un bon islam avec lequel on pourrait composer. Sous-entendu, la treille, il s'appelle la treille ou la trille, d'un seul coup, j'ai un doute. La trêche. La trêche, c'est encore mieux, oui. C'est-à-dire ce boucher, c'est son boulot, ce boucher d'Alsace, là, et puis d'Ali Boubaker, et il faudrait choisir. Il y aurait le méchant, barbu d'ailleurs, qui refuse de parler aux médias français, qui le méprise, qui est antisémite, qui est antisioniste, qui compare Bush à Hitler. Quand même pas exagéré, je veux dire, quand même, on peut ne pas aimer la politique étrangère de George Bush, ce qui est mon cas. On ne peut ne pas aimer la politique de Sharon à l'endroit des Palestiniens, ce qui est mon cas aussi. Ceci dit, ça ne fait pas de Bush et de Sharon des gens assimilables à Hitler. Il faut faut pas exagérer. Et puis l'antisionisme me semble indéfendable. Moi, je suis pro-palestinien et sioniste. Je pense que l'État d'Israël peut exister, doit exister, et que l'État palestinien peut exister et doit exister, et qu'il faut trouver une solution qui ne soit pas bonne pour l'un et mauvais pour l'autre, comme pour l'instant la solution est bonne pour les Israéliens et mauvaise pour les Palestiniens. Et encore, pas tous les Israéliens. Donc je trouve que sur ce terrain-là, le personnage qui assimile Bush, Sharon et Hitler est celui qui dit qu'il est antisioniste, celui qui considère que les Juifs ont tout et que les musulmans n'ont rien, est un personnage plus infréquentable ou autant infréquentable que Le Pen. J'espère qu'on va diaboliser aussi ce personnage-là en considérant qu'il n'est pas un interlocuteur ou qu'il faut il faut l'écarter. Ça me paraît de toute urgence qu'on s'aperçoive que ce type est dangereux, vraiment dangereux. En revanche, Dalil Boubaker, d'ailleurs, il apparaît toujours, il est sans barbe, costume cravate, la Légion d'honneur, et puis je ne sais quelle autre distinction, une petite rosette juste à côté. On sent bien le personnage qui est intégré à la France, qui défend les valeurs de la République et qui est pour cette loi, enfin plus ou moins pour la loi, pour le voile, et qui considère que bon. Je trouve que, effectivement, Sarkozy a joué une carte qui consiste à faire une espèce d'assemblée autour de Dalil Boubaker et des musulmans présentables, je dirais, pour en faire une espèce de conseil qui serait susceptible d'être piloté par la République ou qui serait susceptible de fonctionner avec la République. Dans le genre, vous nommez vos imams, vous nous dites, comme avec l'Église, hein, je veux dire, les nominations des évêques se font comme ça et il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Et puis le ministère de l'Intérieur voit, et si tout se passe bien, c'est très bien, donc on s'entend bien. Ça, c'est une position et ça suppose qu'on radicalise les radicaux et qu'on les écarte et qu'on les montre et qu'on puisse les désigner en disant, vous avez vu, c'est contre cela qu'on travaille et c'est pour cela. Mais c'est trop subtil, je crois, comme façon de procéder. Quand Sarkozy pense qu'on peut aussi faire de l'ordre dans les banlieues avec les imams, parce que ça aussi c'est une idée qu'il a, et il sait très bien que faire descendre les flics dans les banlieues, c'est problématique, puisque aujourd'hui ils caillassent même les pompiers, ou ils caillassent même les facteurs, ils caillassent les médecins. Il ne faut pas exagérer, je veux dire, les gens qui viennent pour soigner, les gens qui viennent pour distribuer le courrier, ou les gens qui viennent pour éteindre des incendies, ou pour embarquer des gens qui font des malaises cardiaques, des choses comme ça, l'idée qu'on puisse les caillasser, c'est quand même assez problématique. Donc comme la solution n'est pas trouvée, comme il y a des ghettos dans les banlieues, Sarkozy sait que il y a une occasion de mettre de l'ordre dans les ghettos et dans les banlieues, c'est avec les imams. Parce que les imams sont écoutés et entendus. Et si on traite avec eux en leur disant « vous voulez calmer, vous me les mettez sur un tapis à faire des prières, à genoux, les fesses en l'air, dans la direction de la Mecque, pas les fesses, mais la tête, et ce sera nettement plus facile pour nous de régler ces problèmes-là. » Donc, je pense qu'il navigue à vue, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il navigue à vue Sarkozy sur ce terrain-là et qu'il ménage la carotte et le bâton en considérant qu'il y a des musulmans avec lesquels on peut composer, il y a des musulmans qu'il faut stigmatiser, qu'il y a des intégristes qui sont infréquentables et puis qu'il y a les démocrates qui sont fréquentables, qu'il faut donner des gages aux uns et qu'en même temps les autres il faut les montrer pour des méchants ce qu'ils sont. Mais en fonctionnant comme ça, c'est beaucoup trop subtil pour le français moyen qui regarde les informations et qui considère que des gens qui descendent dans la rue en demandant la possibilité d'être voilé pour les jeunes filles dans les écoles, qui en même temps considèrent que tous les juifs sont à mettre au feu, quoi. C'est quand même assez singulier de voir ce type, au moment de la guerre d'Irak, de la guerre contre l'Irak, faire cause commune avec un représentant de l'extrême droite belge, quand même. Il y a quand même cette idée que l'extrême droite qui se retrouverait avec des arabes pro-palestiniens, antisémites, antisionistes, enfin ça fait une espèce de soupe un peu problématique. Et il me semble que Sarkozy fait le diable dans cette affaire. Enfin, il joue au diable et qu'il faut faire très attention parce que c'est éminemment explosif à tous les sens du terme. Et je pense que comme avec les Corses, il ne sait pas où il va. Il a peut-être un programme du jour au lendemain, mais à longue durée, il ne sait pas où il va. Donc il a mal géré le problème corse, on l'a vu. Pour l'instant, il essaie de négocier le problème islamique. Je ne suis pas sûr qu'il le gère bien, on verra, malheureusement. Si c'est le cas, on a vu un peu avec le Conseil français du culte musulman. Bon, le résultat des premières élections, c'était pas tout à fait ce qu'il attendait quand même, avec l'UOIF qui est arrivé, je crois, en seconde position. C'était pas tellement son souhait. Non, mais ça, c'est ça le danger, c'est-à-dire qu'on peut pas instrumentaliser comme ça. On ne peut pas truquer les élections complètement. On ne peut pas dire aux gens, vous vous rassemblez, vous votez, et puis quand vous aurez voté, eh bien, on va faire avec ce que vous aurez décidé. Le jour où il arrive dans une salle où les femmes sont à droite, les hommes sont à gauche, et où les femmes sont voilées, et où il dit, voilà, nous sommes dans la République, il faut que les femmes puissent apparaître comme tête nue sur les cartes d'identité, et qu'il se fait huer. Et effectivement, il y a des moments où il faut tirer des conclusions. Bon, il l'a dit très précisément, je suis venu en ami, mais je suis venu en ami critique. Bon, simplement, je crois que ça le déborde, ça le dépasse, que tout malin qu'il est, Sarkozy, sur des problèmes aussi complexes que les problèmes corses ou les problèmes de montée de l'islam actuellement, il est débordé. Ceci dit, qu'il n'aurait pas été, je ne vais pas faire l'éloge de Sarkozy, mais je ne vois pas, en faisant un peu de politique fiction, ce que Mitterrand aurait fait, je ne vois pas, je crois que Mitterrand n'aurait rien fait, qu'il aurait attendu, et je ne sais pas ce que le général de Gaulle aurait fait. Si on veut prendre deux politiques un peu au format, dans les 50 dernières années, c'était 5-12, oui c'est ça, je compte, dans le dernier siècle on dira, si on veut prendre deux politiques au format, c'est problématique. On voit mal qui aurait fait quoi et comment. Là, ben Chirac, on sait bien comment il fonctionne, il prend les sondages qu'on lui apporte, il dit les Français sont pour quoi là? Ils sont pour ou ils sont contre? Ils sont pour, allez hop, je leur fais un truc pour. S'ils sont contre, on va faire un truc contre. S'ils sont pour, mais pas trop, et 51%, etc., bon, ben, on va leur faire un truc. Enfin, voilà, on est dans une république sondagière aujourd'hui. Mais c'est comme la télé, quoi. Les programmes télé qu'on propose aux gens, ce sont ceux qu'ils demandent. Alors c'est un ver de terre qui se mord la queue, mais ça va forcément vers un appauvrissement. Moi, je m'oppose à cette idée-là. Je crois que ça, c'est ce que disent les gens qui veulent nous gaver avec des mauvaises nourritures. Ils disent, mais c'est ce que les gens veulent. C'est pas vrai. Les gens, ils veulent de la télévision. Ils veulent pas de la mauvaise télévision, ils veulent de la télévision. Ils sont fatigués, ils sont crevés. C'est un média facile, c'est distrayant. Quand on a fait sa journée, qu'on a passé une heure dans un machin de transport, dans le train, dans le métro, dans la voiture, quand on a passé 8 heures à travailler, qu'on est crevé, quand on a mangé un truc dégueulasse le midi en 45 minutes et qu'on a remis ça le soir, qu'il a fallu s'occuper des enfants, des leçons, des courses, des machins, le soir on a envie de regarder la télé. On n'a pas envie de prendre la critique de la raison pure et on n'a pas envie d'écouter un opéra de Wagner. Donc ça se comprend, je comprends que la culture haut de gamme soit un luxe pour la plupart. Donc les gens, ils veulent s'installer devant leur télévision et regarder un truc qui puisse les distraire. Mais on part du principe qu'ils veulent de la mauvaise bouffe. Et on leur donne de la mauvaise bouffe. Et on dit, ben, vous avez vu, ils mangent de la mauvaise bouffe. Mais à l'évidence, ceci dit, de temps en temps, on fait des choses très bien. C'est-à-dire que quand les Thibault de Martin Dugard font l'objet d'un téléfilm, je me fais une parenthèse pour émettre un tas de réserves, parce que moi j'ai lu les Thibault de Martin Dugard, c'était la thèse de ma compagne, et c'est bourré d'erreurs, c'est-à-dire l'adaptation filmique est bourrée d'erreurs, de contresens, d'approximations, enfin bon, donc c'est pas comme ça que, à mon avis, on respecte le mieux une œuvre, un livre, l'histoire, la vérité, enfin bon, parenthèse fermée là-dessus, mais quand on propose à des gens Le Comte de Monte Cristo, un roman de Balzac, un roman de Martin Dugard, mis en scène à la télévision, ils regardent, ils trouvent ça très bien, et ils ne sont pas forcément en train de se rouler dans la fange de la chaîne d'en face, parce qu'ils aiment les mauvaises choses. Il y a une façon de détester le peuple dans cette affaire, qui suppose que le peuple, il n'aime que les mauvaises choses, et que c'est parce qu'il aime les mauvaises choses qu'on les lui donne. C'est pas vrai, il les mange parce qu'on les lui donne et qu'on ne lui donne pas autre chose. Donc je crois que cette façon de faire de la télévision comme cette façon de faire de la politique, en disant je fais de la politique avec ce que les gens veulent, c'est le contraire de la démocratie, c'est la démagogie. La démocratie, c'est de dire j'ai pour vous des projets, au nom du peuple, j'ai des projets. C'est-à-dire je crois que le peuple a envie de se distraire intelligemment, je crois que le peuple a envie d'apprendre des choses sans se prendre la tête, qu'il a envie de découvrir des choses sans qu'il ait besoin d'un dictionnaire, d'une encyclopédie, une espèce d'initiation au préalable qu'on peut initier, et le peuple il est preneur. Donc quand on fait de la politique, c'est pareil, on ne va pas dire au peuple vous pensez quoi ? Parce que le peuple il pense rien, a priori il pense plutôt mal quand il se met à penser comme ça d'un seul coup. Si on lui demande ce qu'il pense de l'art contemporain, si on lui demande ce qu'il pense de la philosophie ou je sais pas quoi, il va avoir des idées, il va pas dire j'en ai pas, il va dire des choses alors qu'il n'aura pas été initié. Je crois que en termes de politique c'est la même chose, un grand politique c'est quelqu'un qui propose au peuple des idées démocratiques et pas démagogiques. Chirac est un démagogue parce qu'il propose ce que les gens veulent déjà et il se sert des sondages pour ça. S'il disait voilà, j'ai pensé, j'ai réfléchi, il y a des choses à faire, je vais faire ceci parce que je crois que c'est bien pour le peuple français, pour le plus grand nombre. Je crois que si les réformes étaient intelligentes, bien faites, et pas idéologiquement orientées, ou pas politiquement intéressées, eh bien les gens seraient preneurs. Le peuple, il est assez malléable. Si on lui donne des dictateurs, des tyrans, des imbéciles, il les prend. Mais si on lui donne des génies, des gens qui ont du talent, il les prend aussi. Donc il y a un mépris du peuple qui, à mon avis, n'est pas à mettre sur le dos du peuple, mais à mettre sur le dos de ceux qui le méprisent. Donc quand le peuple est méprisé par Chirac, le coupable pour moi, c'est pas le peuple qui se laisse mépriser, c'est Chirac qui le méprise. L'idée d'une servitude volontaire, je la connais, j'ai lu la Boétie, mais c'est pas suffisant. Moi, je suis plutôt du côté des gens qu'on abuse parce qu'ils n'ont pas le temps d'être éclairés, parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le temps d'être intelligents, parce qu'ils passent leur temps à se faire exploiter au travail ou dans la vie quotidienne. Je trouve que il en va de la politique, ils sont payés assez cher pour ça, et c'est leur boulot d'avoir des idées et de penser sur la question du voile, par exemple, ou sur la question de la laïcité, ou sur la question de l'islam, de penser à longue distance, à longue vue. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas de Sarkozy, qui sera évidemment président de la République. C'est évident, avec le quinquennat, avec l'âge qu'il a, ça lui donne à peu près 3 ou 4 chances de se présenter au présidentiel. On voit mal comment, il louperait 4 fois les chances qui lui seront données. Donc il faudra compter avec ce type-là comme président de la République un jour, c'est évident. L'âge de Chirac, le fait que Chirac n'ait pas été élu la deuxième fois sur son nom et sur son programme, mais par défaut. Tout ça fait que, même s'il était élu une troisième fois, ce qui paraît très improbable, Sarkozy aura son heure. Et, la preuve est faite que Sarkozy n'est pas un grand politique. C'est un grand communicant, c'est un type qui a bien compris comment on pouvait mettre en scène une image et jouer avec cette image, et il le fait très bien. Mais en revanche, sur des questions extrêmement épineuses, comme la Corse et comme l'islam, à mon avis, il montre ses limites. Quand il s'agit de mettre des flics un peu partout, de tripatouiller les chiffres de la délinquance, d'aller serrer des louches dans les commissariats, de remettre des médailles à des policiers qui sont morts au boulot, ou ce genre de trucs, il est partout, on le voit. Cécilia Sarkozy, même chose. 100 minutes pour convaincre contre Tariq Ramadan ou Le Pen, il est là, parfait. Mais par ailleurs, sur un dossier comme la gestion de l'islam, de la montée de l'islamisme dans la République française, il me semble montrer ses limites. Une petite parenthèse, l'hystérie sécuritaire, ça c'est son cheval à Sarko. Mmh. Est-ce que tu fais un rapport entre ce désir forcené de sécurité, ou en tout cas cette proposition forcenée de sécurité, et puis la théocratie? Est-ce que c'est dans le même moule? Non, parce que la théocratie renvoie au théos, donc à Dieu, à quelque chose qui serait au-delà de la planète, je dirais. Hein, ça renvoie à un principe quasi mystique. En revanche, le sécuritaire renvoie à la psychanalyse plutôt, c'est au fantasme du père. On aime le père. On a décapité Louis XVI et on s'en est jamais remis. Enfin, les Français ont décapité Louis Capet et ils ne se sont jamais remis d'avoir touché à cet homme-là. Et depuis, ils essaient de se faire pardonner en remettant de la monarchie partout où c'est possible dans la République. Moi, j'ai vu une fois Mitterrand sur un pont à Paris, j'étais bloqué dans un taxi sur un pont, et toutes les voies sur berge étaient fermées, et Mitterrand est allé inaugurer la très grande bibliothèque. Et j'ai vu le cortège passer. Je n'oublierai jamais ça. Le nombre de flics, de policiers, de militaires, de voitures, de types du GIGN, cagoulés, quasiment dehors des bagnoles, des camions, les portes ouvertes, les types avec des armes aux mains, prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. Le corbillard, le cortège est passé, il était déjà mourant, est passé à toute allure. Et il y avait des types partout pour sécuriser le passage de Mitterrand. Voitures blindées, drapeaux de la République, etc. 5 ou 6 bagnoles vraisemblablement blindées, vitres fumées, dont l'une était celle de Mitterrand, on ne savait pas laquelle. Évidemment, des flics qui passaient sur la Seine avec des bateaux, toujours GIGN, etc. Et hélicoptères dans le ciel. Je me suis dit, on est en République quand même. Res publica, la chose publique. Hein. Je me suis dit, Louis Capet n'est pas mort. Louis XVI, aujourd'hui, ce serait ça, très précisément. Et puis, une autre fois, j'ai vu Chirac au Salon du Livre, et il est assez grand, et donc sa tête dépassait un petit peu des autres, et il y avait une espèce de boule de lumière qui se déplaçait, parce que les journalistes étaient là, avec les caméras, et avec des éclairages, et ils étaient à 4 ou 5 avec des éclairages, déjà un éclairage, ça chauffe un peu, mais il y avait tous ces types qui bougeaient, alors Chirac se déplaçait, et autour, une 60aine de personnes qui se déplaçaient en même temps. collé comme ça, une espèce de mouvement, et on sentait passer la République. Mais en fait, c'est, enfin, on sentait théoriquement la République passer, mais ce qu'on sentait, c'était le roi parse. Le roi est en train de passer, quoi. Et je me dis aujourd'hui, on est dans le fantasme de la monarchie. On est dans un fantasme monarchique. De Gaulle avait d'ailleurs fait ça très bien, en considérant qu'il fallait un père pour la nation, une espèce de, d'homme, un type qu'en avait, quoi. Pétain a fait ça très bien avant lui, je donne mon corps à la France. Alors là, on avait un grand-père, on n'avait pas un père, oui, c'est ça, plutôt oui, le grand-père. Trop vieux, oui. Mitterrand l'a joué très bien aussi, dans le genre « je suis là, n'ayez crainte », une espèce de rapport qui est irrationnel, qui relève de la psychanalyse. Et je crois qu'en termes de politique aujourd'hui, ce que n'a pas compris d'ailleurs Jospin n'a pas voulu jouer le père. Dans la Ve République, si on ne joue pas le père, on joue le frère, on joue le copain, l'oncle, le beau-frère ou l'oncle. Et on ne fait pas un président de la République. C'est-à-dire que Jospin, qui en gros nous disait « mais moi, je ne suis pas un monarque, moi, vous avez vu, j'ai envoyé d'ailleurs ma candidature par fax, et j'ai demandé à mon fiston, qui n'est pas mon fils, qui est le fils de ma femme, qui vient, d'appuyer sur le bouton du fax, et j'ai dit « oui, je suis candidat, je sors de ma petite voiture avec ma femme, là, vous avez vu, je suis un type modeste, on ne voit pas Chirac sortir, enfin, vous ne voyez pas, sortir dans un petit cabriolet 305 avec Bernadette, disant bah, « je vais faire mes courses, j'achète ». Jospin a joué ça, il a joué le copain, le frère, l'ami, le beau-frère, l'oncle, enfin le truc idéal, quoi, le type qu'on amène à la maison. Mais on n'est pas élu avec ça. On est élu président de la République française avec ce que ça suppose de fantasme monarchique quand on a joué le mépris, la grandeur, la distance, la loi. C'était cette façon hautaine de dire je suis votre père, je suis lord, je suis. Alors l'âge compte beaucoup pour Sarkozy. Il y a un problème, il est trop jeune pour ça. Donc Chirac, ça marche, parce que dès qu'on l'attaque sur l'âge, eh bien finalement c'est très bien pour lui. Quand Jospin dit « ah, je l'ai trouvé vieilli, usé, fatigué », c'est excellent pour Chirac, pas pour Jospin, on l'a vu. C'était encore moins bon pour Jospin de dire qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas voulu dire ça, qu'il était dans un décalage horaire, il rentrait de la Réunion. Moi je suis allé à la Réunion aussi, il n'y a pas de décalage horaire, hein, c'est sur le même fuseau. Il serait rentré de Vercoyance, ou il serait rentré des États-Unis, il aurait pu arguer du décalage horaire. Mais là, pour le coup, quand on descend vers le sud, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, ou une heure ou deux, ce n'est pas suffisant pour rendre fou Lionel Jospin. Donc, cette incapacité à comprendre que la République française, elle est une espèce de substrat de la monarchie, et qu'en tant que substrat de la monarchie, elle compte avec le père, avec une figure de l'ordre, de la loi et de l'autorité, le personnage qui n'a pas compris ça, il passe à côté des élections. Ça ne marchera pas. Donc, Mitterrand l'avait fait au premier tour, puis au deuxième tour, et puis à la fin, c'était encore pire, quoi. C'était, en gros, je suis la momie. J'apparais à la télévision, je suis une espèce d'ectoplasme. Mais même quand je serai plus là, je serai encore là, je veillerai sur vous. C'était délirant, ce type qui me dit l'an prochain, où que je sois, je penserai à vous, etc. Où que je sois, mais si t'es dans ton cercueil, comment tu feras pour penser à nous? C'est les forces de l'esprit, etc. Donc, en voilà un qui a compris que la Ve République, c'était l'occasion de ce qu'il appelait fort justement un coup d'État permanent. À tort d'ailleurs, parce que c'est pas le cas, mais c'est l'occasion, la Ve République, d'une figure d'ordre, de loi, d'autorité, et bien la police, c'est très bien pour ça. Sarkozy sait très bien qu'il ne ferait pas une carrière politique qui est la sienne en étant ministre de la Culture. À l'évidence, en étant un Jacques Lang de la droite, il ne parviendrait pas à ça. Il ne parviendrait pas à ça non plus au budget. Je pense à des grands ministères, que ce soit le budget, le grand ministère, la culture est un petit ministère, mais pour moi c'est le seul qui m'intéresserait, enfin je veux dire qui m'intéresserait en rigolant comme ça au passage, hein, mais je me vois mal ministre de l'Éducation nationale pour dire ça en rigolant comme ça, au budget, aux affaires étrangères. Il ne pouvait pas faire ça, cette carrière-là. Et pourtant, ce sont des endroits prestigieux, le budget, les affaires étrangères. Non, c'est la schlag qui lui compte. C'est la police. Parce qu'effectivement, c'est l'endroit où vous faites l'ordre, où vous faites la loi, et en même temps, vous êtes au courant des petits secrets, vous pilotez la police, vous pilotez les services secrets, les renseignements. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, la structuration d'un tempérament, elle se fait avec ce type de ministère. Il l'a bien compris, d'ailleurs. Il n'aime pas ça, la police. Il n'aime pas l'intérieur. Mais il sait très bien que, pour sa carrière, ça le crédibilise. C'est un homme à poigne. Enfin, c'est ce qu'on croit, du moins. Et il lui faut maintenant obtenir une espèce de charisme de charisme de père. Donc on va voir. Il y a des communicants qui lui diront sûrement comment il faut s'y prendre. On recentre un peu sur les problèmes de laïcité et d'athéisme. Tu sais, tu sais sans doute que les anarchistes, on a la fâcheuse réputation de tout critiquer et de rien construire. Enfin, c'est ce que dit, c'est ce que j'entends dire dans les cafés. Alors, pour redonner cette vigueur à l'athéisme devant cette montée des théocraties, ou en tout cas ces tentatives de coup d'État des théocraties, quels sont les moyens que toi tu envisages? Alors j'ai toujours pensé que, moi j'essaie d'être anarchiste, je crois que ça se mérite, et qu'on ne peut pas dire qu'on l'est un jour et que l'affaire est réglée, j'essaie de l'être d'abord de manière dynamique, en considérant qu'on ne peut pas l'être aujourd'hui, 2004, comme on l'était à l'époque de Proudhon et de Bakounine. Ça n'a pas de sens, à l'évidence. Il y a eu mai 68, il y a eu Auschwitz, il y a la mondialisation, donc aujourd'hui il faut repenser l'anarchisme. Je crois que l'anarchisme est plutôt une posture éthique qu'une posture politique. Je pense que l'anarchisme, ça suppose, c'est ce que je dis dans Politique du Rebelle, un comportement anarchiste, donc une exemplarité. C'est-à-dire que là où on est, on peut l'être, anarchiste. Donc il n'y a pas de pouvoir d'État, enfin il n'y a pas que le pouvoir d'État, comme le pensaient les marxistes. Foucault l'a bien dit, le pouvoir est partout. Et on est anarchiste quand on refuse le pouvoir partout où il est. Donc je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre la révolution demain matin en disant « je peux être un salaud aujourd'hui ». Parce que demain, quand la révolution sera là, ça va se modifier. Je crois qu'on peut dire, je suis anarchiste, on n'est pas obligé de l'être. Mais si on l'est, on est obligé de l'être ici et maintenant. Donc les petits chefs anarchistes, les gens qui se réclament de l'anarchisme, qui sont des dictateurs, qui sont des tyrans, qui sont des gens insupportables avec leurs femmes, avec leurs copains, avec leurs amis, j'ai tendance à croire qu'ils ne le sont pas, libertaires ou anarchistes. L'anarchie, c'est une histoire de micro-pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir d'État qui est à changer, c'est partout où il est, le pouvoir quand il se manifeste. Le pouvoir n'existe que dans des occasions de se manifester. Ce n'est pas une idole, le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir d'un homme sur sa femme, c'est le pouvoir d'un prof sur ses élèves, c'est le pouvoir d'un type avec ses collègues de bureau. Même chose, d'une femme sur son mari, d'une femme sur ses enfants, d'une femme, hein, quand je dis homme, c'est au sens générique du terme. Et c'est dans ces lieux-là qu'on peut être anarchiste. La révolution, elle se fait là. C'est-à-dire on refuse l'ordre, l'autorité, la domination, et on est anarchiste. Ça veut dire qu'on est sur le terrain du contrat. Un anarchiste, c'est quelqu'un qui va fabriquer du contrat avec sa femme, son compagnon, sa compagne, avec ses enfants, avec ses amis de bureau, avec ses collègues, avec les gens qu'on rencontre, tous les deux, là, vous deux et puis moi. On fabrique une micro-communauté élective, et cette micro-communauté élective, elle est libertaire si elle refuse l'ordre, l'autorité, la domination, s'il n'y a pas de jouissance dans la domination, dans la tyrannie, etc. Et donc je crois à cette position-là, qui est une position éthique. Maintenant, je crois que la position politique, au sens politique politicienne du terme des anarchistes, elle est souvent idéaliste parce qu'elle elle est dans une logique de pure éthique de conviction. Max Weber opposait l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'était de dire « je pense ça, et peu importe si c'est pas praticable, c'est comme ça que je le pense, et je ne bougerai pas là-dessus ». L'éthique de responsabilité, c'est de dire « oui, mais attendez, il y a du réel, ça résiste le réel, on est bien obligé de composer avec le monde comme il est, on peut pas faire autrement ». On est tous quelque part entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je crois que trop souvent, trop longtemps, mais le monde libertaire change aussi, moi je le lis toutes les semaines, et je trouve qu'il y a c'est bien mieux quand même qu'il y a une quinzaine d'années, parce que, à une époque, c'était éthique de conviction, point à la ligne. On ne veut pas savoir l'éthique de responsabilité. Donc on s'en lave les mains. On dit, il y a carte. Et quand, par exemple, Arlette Laguiller dit il faut interdire les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, on lui dit, bon, bah, d'accord, mais on fait comment? C'est une belle idée. D'un point de vue éthique, je suis plutôt d'accord. D'un point de vue pratique, on s'y prend comment? Qu'est-ce qu'on fait? Vous arrivez au pouvoir, cette idée-là, vous voulez la mettre en action, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Ah oui, mais ça, c'est pas le jour, c'est pas l'heure, c'est pas l'occasion, on fera... Non, mais attendez, ça m'intéresse, moi, de savoir comment pratiquement vous allez faire. Et on s'aperçoit que certaines idées ne sont pas pratiquement défendables, ne sont pas praticables. Est-ce qu'on a le droit de défendre des idées dont on sait qu'elles ne seront pas praticables? On ment dans ces cas-là. On ment, on fait des fausses promesses, comme des promesses d'électeurs ou d'élections, dont d'aucuns disaient qu'ils n'engagent que ceux qui y ont cru. Et si on dit, voilà, soyez anarchistes, parce qu'avec l'anarchisme, c'est la suppression du capital, c'est la libération de la société, c'est une société sans classe, c'est la fin de l'exploitation, c'est la fin de la domination, c'est la suppression du nucléaire, c'est le travail pour tout le monde, c'est 20 heures de travail ou 10 heures de travail pour tout le monde et une société dans laquelle on produit. Oui, d'accord, très bien. Et on fait comment? Si on s'aperçoit que c'est impraticable, on n'a pas le droit de tromper les gens. On n'a pas le droit de fabriquer des espèces de mythologies, parce que pour le coup, on est dans la religion. Quand on fabrique des religions libertaires, on est aussi coupable que quand on fabrique des religions catholiques. Quand on dit « demain, vous aurez un paradis », etc., c'est une connerie. Quand on dit « vous aurez un paradis sur Terre si la société sans classe a lieu avec une révolution anarchiste qui », je dis « attention, vous trompez les gens ». Donc, une éthique de conviction sans souci de l'éthique de responsabilité, c'est une occasion de créer du religieux, de la religion, donc de la déception. En revanche, on peut être anarchiste au quotidien, dans cette façon de faire des micro-communautés anarchistes là où on est, dans le milieu dans lequel on vit. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut témoigner, être dans l'exemplarité et dire aux autres, bah, faites-le. Si vous y croyez, faites-le aussi. Mais c'est pas suffisant d'avoir une carte à la Fédération anarchiste, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Je le dis en termes de... symbolique, ou de défiler avec un drapeau, ou d'être abonné au Monde Libertaire, ou de dire j'en suis parce qu'on a des réunions, on se retrouve, etc., et ça suffit pour être anarchiste. Moi, je ne crois pas. Ça suffit pour avoir l'illusion d'être anarchiste parce qu'on est militant. Donc c'est bien, on est militant, on fait des tracts, on distribue, ça change rien d'ailleurs, mais c'est très bien que ça puisse exister. Et puis, vous avez en face des gens qui disent, mais je préfère incarner tout ça. Je ne vais pas faire comme le curé avec son étole, avec ses machins, les espèces d'objets sacrés du culte anarchiste. Je vais pratiquer l'anarchie là où je serai. Et c'est bien plus difficile. Donc pour répondre à ta question, là où je suis, comme je suis, j'essaie de faire un certain nombre de choses qui pourraient me valoir l'étiquette d'anarchiste. J'aimerais bien, parce que c'est une tension, c'est ce vers quoi je vais. Par exemple, mon rapport à l'argent, mon rapport au pouvoir, mon rapport aux médias, mon rapport à l'éducation nationale, mon rapport à l'université populaire. Je crée cette université populaire, j'y transmets des savoirs qui sont habituellement oubliés et négligés, je n'y suis pas payé, on est dans une logique de bénévolat, je défends un certain nombre d'idées, je défends les mêmes à la télévision, dans cette université populaire, dans mes livres, dans les journaux, et j'essaie avec ma compagne de me comporter en anarchiste. Il n'y a pas question que de dire, voilà, je suis anarchiste, mais j'espère que tu as fait les courses, la vaisselle, le ménage, et que tu t'es occupé de tout ça à la maison. Non, moi je fais les courses, je fais la cuisine, on fait la vaisselle tous les deux, on partage les tâches, on a un contrat libertaire, elle et moi, dans la vie quotidienne. On n'a pas eu d'enfant, parce que je pense que c'est mieux de n'en pas avoir, et que c'est difficile de faire des enfants, de les éduquer de manière libertaire et de les intégrer dans cette civilisation, ou de ne pas les intégrer. Si on les intègre, c'est pas intéressant. Si on les intègre pas, c'est pas intéressant non plus. Enfin, c'est problématique, donc on a plutôt on n'a pas fait d'enfant. Là où on est, on n'a jamais composé avec les pouvoirs les puissants. Moi, j'habite à Argentan, 17 000 habitants, ville de sous-préfecture. La médiathèque n'a pas d'argent. Je leur fais une exposition tous les ans gratuitement, bénévolement. Je fais du troc parce que j'écris un livre sur cet artiste qui vient exposer à Argentan parce qu'il y a le bouquin, mais je ne gagne pas un centime. Je fais ça parce que j'essaie de militer, de défendre une idée de la peinture, d'initier des gens à l'art contemporain. J'essaie de les initier à la philosophie hédoniste dans cette université populaire. J'essaie avec mes amis de me comporter en libertaire. Je n'ai jamais accepté de faire des choses qui allaient contre mes idées parce que j'aurais été bien payé, et j'aurais pu le faire. J'aurais pu, dans mon rapport à l'argent, préférer faire des livres qui m'auraient rapporté de l'argent, faire des conférences qui m'auraient rapporté de l'argent, écrire des livres dont les contenus m'auraient vraiment rapporté de l'argent. J'aurais pu faire ce qu'on appelle des ménages et des propositions de philosophes qui font des conférences à 50 000 francs ou à 100 000 francs, ça existe. Je n'ai pas fait les livres pour mériter ça. Quand on m'a proposé ces choses-là, je ne les ai pas faites. Quand on m'a demandé d'aller parler de politique du rebelle dans des endroits très bien payés parce qu'il fallait donner l'impression à des comités, pas des comités d'entreprise, mais à des, comment est-ce qu'on appelle ça, des conseils d'administration de certaines boîtes, l'impression qu'elles pouvaient rencontrer des philosophes, penser ou réfléchir. Je ne l'ai pas fait, j'ai dit non. J'ai refusé d'être prof à l'université, j'ai refusé de travailler à la télévision comme conseiller culturel dans des émissions, j'ai refusé de diriger des pages culturelles dans des journaux, à une époque l'événement du jeudi, j'ai refusé un certain nombre de positions de pouvoir, parce que je préfère le pouvoir qui est le mien, c'est-à-dire le pouvoir de défendre des idées auxquelles je crois et d'essayer de pratiquer ces idées auxquelles je crois. Donc c'est plutôt comme ça que je pense qu'on peut être anarchiste aujourd'hui. Je ne suis pas contre ceux qui militent sur la vieille formule de la militance, hein, trouve que c'est très bien que ça existe aussi. C'est compatible, hein. C'est compatible aussi, simplement je trouve que c'est improductif. C'est souvent improductif. Je serais preneur de discussions avec des amis qui se comportent comme ça, en leur disant, et ça me produit quoi comme effet? Et vous faites quoi dans la réalité? Qu'est-ce que ça produit comme effet? Quelle est l'avancée anarchiste quand vous avez distribué des tracts, défilé avec des drapeaux en disant que vous étiez contre ceci, contre cela, pour l'abolition du capital et du salariat? Tout ça est très bien, mais qu'est-ce que ça a produit comme type d'effet? Qu'est-ce que ça a produit comme micro-révolution? Moi, je crois aux micro-révolutions. Voilà. En attendant, la macro-révolution, je veux dire, qui n'arrivera jamais. Non, enfin, là, t'es un peu dur, parce que c'est vrai que moi, depuis que je suis à la Fédération, j'ai jamais participé à une manif contre le capital libéral, par exemple. Ça, j'ai jamais. C'est toujours à l'occasion de lui. C'est un petit peu notre façon d'agir. Par exemple, à propos du voile, ou à propos de cette émission, hein, en est un exemple, je veux dire. Voilà, c'est tout. Je tenais à le dire. Oui, oui, non, mais j'ai failli, moi, quand j'avais 17 ans, entrer au Parti communiste pour militer comme ça. C'est-à-dire le besoin de faire des choses, d'être inscrit, de me dire, allez hop, on va agir. Puis je me suis dit, mais on peut agir ailleurs. Puis de toute façon, j'ai découvert Voline à cette époque-là. Et je me suis dit, mais quand même, l'Union soviétique, c'est pas défendable. Et je préférais Kropotkin à Lénine. Je préférais Voline à Staline, évidemment. Et je me suis dit, mais non, on n'a pas besoin des partis. On n'a pas besoin de. Moi, j'ai pas l'instinct grégaire. Donc, je comprends qu'on l'ait, hein. Mais j'ai pas l'instinct grégaire, y compris en tant qu'anarchiste. Donc, j'ai toujours du mal à considérer que quand on est 10, on pense 10 fois mieux que quand on est tout seul, quoi. Donc, j'essaie là où je suis, et puis encore, c'est pas un drapeau que je le mets pas dans ma poche, mais c'est pas un drapeau que je brandis non plus. Je dis pas je suis anarchiste, j'essaie de l'être. C'est une éthique pour moi, c'est comme l'hédonisme, c'est comme le matérialisme, ce sont des options philosophiques essentielles, et elles conduisent mon existence. Mais je conçois très bien qu'on puisse être anarchiste autrement, hein, heureusement. J'ai un libertaire qui considérait que la seule façon de l'être, c'est la sienne, ça n'en serait pas un. La République des égoïstes. J'aime pas beaucoup ça, parce que le mot égoïste est connoté, même chez les anars, il est connoté très chrétien quand même, c'est pas bien d'être égoïste. Pas bien, voilà. Donc, c'est l'individu qui est bien. Voilà, donc la République des individus, je veux bien. Parce que Stirner parlait de l'association d'égoïstes, mais un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, donc à l'évidence, on en est tous là. On l'est tous. Le capital se comporte très bien vis-à-vis des égoïstes. Hein. Oui, je pense que absolument. Absolument. Non, je suis plutôt pour l'individu, plutôt que pour l'égoïste. L'individuum en latin, c'est-à-dire ce qui est impossible à couper, quoi. C'est l'insécable. Et je suis donc plutôt un anarchiste individualiste, pour le dire dans les vieilles catégories, quoi. Ce qui n'empêche qu'un individualiste, c'est pas non plus quelqu'un qui est tout seul. Voilà. C'est quelqu'un qui essaie. Dans société. Voilà, l'université populaire, moi j'essaie de faire de telle sorte qu'elle soit ce que Bourdieu appelle un intellectuel collectif. Donc on est à plusieurs, on est 7 ou 8, 2 ou 3 personnes autour qui font la gestion au quotidien. Donc ça veut dire que j'essaie de travailler, enfin je crois savoir travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément libertaires, à l'évidence. Hein. Mais c'est comme ça que je pense qu'on peut être anarchiste en disant, bah, essayons de faire de ce navire un navire anarchiste. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que les gens ont plutôt tendance à vouloir que je sois le chef, que je pilote, que je décide, que je dirige. Et puis, c'est parfois plus facile de dire, allez hop, je prends la décision qu'eux, plutôt que de dire, bon, là, il faut que je fasse 6 ou 7 mails, il faut que j'attende les réponses aux mails. Et puis, il y en a un qui me dit oui, il y en a un qui me dit je sais pas, il y en a un autre qui me dit peut-être, l'autre qui me dit faut voir, il y en a un autre qui répond pas. On se dit, bon, je fais quoi avec ça quand il s'agit de faire une espèce de république des individus. C'est vrai que parfois on a envie de dire, bon, et hop, je fais ça, mais il faut lutter contre cette fâcheuse tendance qu'on a et de dire, bon, alors là-dessus, on prend du temps, on y perd de l'énergie, comment est-ce qu'on s'y prend? Et toi, t'as envie de quoi? Et toi, tu viens, tu viens pas, t'as pas envie. La synthèse. Voilà. Donc, je dirais, il y a une expression de Camus qui parlait d'individualisme altruiste. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse être un individualiste altruiste. On peut être un individu, ça n'empêche que l'individu peut se réaliser dans, par et pour autrui. Et dans la République des individus, enfin dans l'association d'égoïstes au sens de Max Stirner, qui à mon avis n'est pas un anarchiste, c'est un malentendu, mais dans cette façon de faire, il y a la possibilité, et là c'est quelque chose que je propose personnellement, mais de ces fameuses micro-sociétés électives anarchistes, mobiles et dynamiques. C'est partout où on est, ça se déplace, ça va, ça vient, etc. Je ne crois plus à ça. Des vieilles catégories du genre individualisme anarchiste ou individualisme communautaire ou socialisme libertaire, etc. Ça, ce sont des étiquettes, mais après Deleuze, après Foucault, après Guattari, enfin après cette pensée-là, je crois qu'on peut être anarchiste différemment. Et puisque le pouvoir est partout, eh bien il faut être anarchiste partout, et pas seulement contre les fameux appareils d'État à la modèle du cerf, quoi. Ça c'est fini, quoi. C'est terminé. Et contre la montée de des théocraties, pour redonner vigueur à l'athéisme. Ben je pense ce que je fais par exemple là, c'est-à-dire vivre en athée, pratiquer en athée, enseigner l'athéisme dans ses livres, enseigner l'athéisme dans le cours qu'on fait. Moi j'ai consacré une séance à la négation historique de Jésus, j'ai consacré une séance à l'hystérie de Paul de Tarse, j'ai consacré une séance au coup d'état de Constantin. Ça veut dire qu'on fait une heure là-dessus, qu'on fait une heure de débat là-dessus, ça veut dire que ça passera à France Culture, que ce sera édité en CD, que ces idées-là vont circuler et mettre à disposition les idées athées, dire voilà comment on peut l'être. Et que tu prépares un livre sur ce sujet, la théologie. Oui. Alors, maintenant, il va falloir nous quitter, parce que l'heure a tourné. Tu nous as dit qu'un de tes bouquins va sortir d'ici 15 jours, promo. Eh ben, ça s'appelle « La philosophie féroce », c'est une expression de Rimbaud, et c'est sous-titré « Exercice anarchiste », ce sera d'ailleurs la bande du livre. C'est publié aux éditions Galilée, et ce sont les chroniques que je donne depuis 2 ans à Corsica, un mensuel d'Amélie Corse, qui me paie pas, enfin c'est le truc comme ça, on s'était dit au départ, je vais faire un billet, et puis de temps en temps, elle me dit si t'as envie de venir, tu nous le dis, puis on te fait venir, enfin c'était du troc là aussi. Et puis comme ça fait 24 mois que je commente l'actualité, donc foulard, guerre du Golfe, montée du religieux, retour du religieux, etc., etc., enfin tout ce qui a pu faire l'actualité, pédophilie, je sais plus ce qu'il y a comme sujet encore, les régionalismes, les ethnicismes, les langues régionales, enfin j'interviens sur ces questions-là. Et je fais des petits billets, donc ce livre paraît et réunit les 24 chroniques parues dans les 2 dernières années. Mais j'espère que tu iras le présenter à Publico. Eh ben oui, il faut que je le dise parce que c'est souvent qu'on m'invite un peu partout. J'ai fait le compte la semaine dernière très précisément du nombre de mails que je reçois dans une semaine et du nombre de lettres. Je reçois une moyenne de 50 mails par jour. Et je peux attester que tu les lis et que tu réponds vite. Je réponds, oui. Et une quinzaine de lettres aussi, une douzaine de coups de téléphone tous les jours. Donc, je réponds à tout, mais à l'évidence, je suis obligé de décevoir. C'est-à-dire que je suis très souvent invité, on me demande des préfaces, des colloques, des participations, des livres, des avis, des lectures de manuscrits, etc. Je n'ai qu'une vie, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai que je suis obligé de décevoir parce que chacun a l'impression qu'il est le seul à m'inviter. Et j'habite à Argentan, en province, à 2 heures de train de Paris. Quel que soit l'endroit où on m'invite, quand ça n'est pas Paris, ça veut dire 2 heures de train pour aller à Paris, ça veut dire 1 heure pour retrouver une gare, ça veut dire 1 heure ou 2 heures pour aller quelque part en France. Ça veut dire y passer 2 jours. Donc 2 jours sans travail, c'est problématique pour moi parce que je travaille, je vis de ma plume. Donc si je ne travaille pas pendant 2 jours, personne ne va me demander de compte. Mais si je le fais 1 semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines, puis 4 semaines, eh bien je n'ai pas travaillé pendant 4 semaines. Je ne suis pas allé à mon bureau. J'ai fait plaisir à des gens, j'ai rencontré du monde, mais j'ai rencontré du monde parce que j'ai écrit des livres. Les livres, je les écris parce que je travaille, et je travaille parce que je suis obligé de dire non à des invitations. Donc ça me fend le cœur en même temps. Il y a des gens à qui j'aimerais dire oui et que je suis obligé de décevoir, mais les semaines étant ce qu'elles sont, je suis traduit à l'étranger, 12 de langues, je fais des conférences aussi à l'étranger, c'est-à-dire que cette année, par exemple, on n'a pas fini le mois de janvier, eh bien, mon programme pour l'étranger hors Europe, puisque je vais dans plusieurs pays européens, je vais une fois au Mali, je vais une fois en Mauritanie, je vais une fois aux États-Unis, je vais une fois au Japon, et c'est tout pour l'instant, hein. C'est-à-dire je vais être obligé de refuser les autres invitations internationales pour le restant de l'année, et j'ai un carnet rempli à peu près jusqu'à fin mai. Toutes les semaines j'ai des choses prévues, donc des télés, des radios, des conférences, sans parler du cours le mardi, sans parler de nouveaux trucs qui arrivent, de propositions qui me sont faites. Donc à l'évidence, quand je dis non parfois à tel ou tel qui m'invite, ça me fait de la peine, mais je suis obligé. Mais il faudrait qu'on fasse ça au moins une fois quand même. Mais je pense que c'était pas en termes d'invitation physique, mais simplement que tu puisses faire passer de 10 ou 20 de tes bouquins à Publico pour qu'ils soient mis en vente, simplement. Oui. Ouais. C'est rue Amelot toujours ou 145, c'est rue Amelot. Oui. Parce que moi j'y suis allé quand j'avais 15-16 ans, et j'y suis allé assez régulièrement, acheter aussi des bouquins, retrouver des petits fascicules, des choses comme ça. J'ai bossé sur Anne Rinner à une époque, sur Émile Armand, enfin j'ai... Sur Gérard. Hein. Oui. Mais ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais j'irai, promis. Alors, le mot de la fin pour les auditeurs et pour les anarchistes qui t'écoutent. Et le mot de la fin, c'est-à-dire qu'il faut trouver... Ça peut être un vœu, ça peut être un conseil, ça peut être... Continuons. Enfin, une conclusion. Juste un mot, continuons, point d'exclamation. Merci beaucoup, merci. Michel. Merci à vous deux. À bientôt à vous lire. À te lire, pardon.